Ouais, tu sais quoi, nous les Algériens, on est les meilleurs. Ouais, faut pas dire ça, c'est les Marocos, c'est les 15. Quoi, l'Algérie, c'est le numéro 1 au Maghreb, en Afrique. Non, et 1, la GSK, Maroc, hein, tu connais hein. Algérie, mon pays. Non, si, si. Belle terre parmi les terres, la fierté de l'Afrique, la baisse, la baisse à les frères. Chez nous le soleil brille plus, la mer est belle. Algérie number one, indépendance dans les veines. Regarde mon ciel, drapeau vert, blanc, croissant rouge. Chez nous quand la violence fait bouger, les choses bougent. Mon peuple a pris les rênes, tout le périmètre. Joue pas les fous, je t'envoie la dream team du FLN. Hey, trois rapaces mon bled, regarde les plein arides. Ce qui t'arrive c'est Far West, mais sans les caries. Les footballeurs hors pair, le ballon le caresse. Demande à Zinedine quand les bleus ont perdu leur père. Chez nous le talent s'exporte, explose les portes. L'Europe connaît la force, Rabat Majer et son coup de talon. Ils ont eu JFK, on a la JSK. Bouteflika avec le même costard que Giscard. Comme les Gnawa frères, si tu reconnais que les beautés sont Kazaouyette, Marrakechienne, bref, des perles marocaines. Les lions de l'Atlas veillent sur l'Orient, t'inquiète, c'est oriental jusqu'à Gibraltar. C'est la cour des miracles à Jamel Fna. Demande à Jamel de Bluesman, comment on fait du cinéma chez nous sans bluesman. Joue pas les touristes, joue pas les princes charmants, joue pas les Chirac ou rarement si t'es pas belle. L'été, c'est la traversée espagnole, retour aux sources avec du son et des grosses bagnoles.